Enga wa kumpala kaba kubengi Epole multu Na bomba yango lini wana Ma meilleure chemise de bisaka Natacha rouge à lèvres na yo Il y a deux ans Di crèche en bois na louchi Nalini danso yo tobina ka Signor Likelenge Na mona yo opimba la moko Me batre na yo na bomba intacte Si le lo Belle inconnue Gaël et son nom pour se pouvoir loin à l'hydrophile Tes yeux doux Chevel long Ton visage est d'enfant Aimé Wawa Et tiki la haï Eva Mouari Fanatisme Na la la kao Na boutou Yadi Manima Na la mouka kalongo Jour après jour Asad Konde manager Bye Wawa Pona poli mo babalu ki na katia Bandombo na bambo Poko mo boya ngayi Erike Kamba Ba bebe Considere ma lukola Ekoni Honorable ZK Bandutu rezo zomate Kaita Mbumba Koluki la kacha chadi leteta Ye nangai shaki chicha Sokya yenda Bernardo zita kwa tibu de zero Kutanga na kamba Emba yo, kige mutu Yabi sama na yebo Soki boli wesili Pona kokite Koli mama makasi Moto lingina yete Kiste di Sparta bako Okiru tulanzambe ya bapolisye Kofi pesa na moto Abuna inga Patrick Olungo Sipreme Papa Tao Sinikata Obe mwana na Lukumbashi Jambalo yueleki Liposo salakotani sa tomaton bisa na Yvonne Moule Kalasipan Se komi kose mbimbao Na kope na jile si omele Isa se defandre na ipora sale lokote Bonjuntu wa maniga ava Patrick Leblanc na matadi Usabote na nakimae Magistrat chama Bonjuntu wa maniga ava Serge Mouboulaï top class Sabote na nakimae Elvis Ayato London Antoura Joko Molanda Bartome Ote yo mabe Lord Massamba Paris Bruxelles Yeba Tato yo esanzi mite mi baka jesi sula Trésor Mouzamba Esale lino mabe Mama oyebi na yo kaka koli Maka si koli mbisa te sempasa Karin Mokonzi Chacha dile teta oe Topa makambo babwa kiwa Angel Tema Satellite oe Omotumbe mandinga Esko modite oe Chef Nestor Akiba Jean Salvador Bianche Meye Maître Ben Souloubiko Roger Motingi Alexambour Jean Lionel Galiano Zola de la Cruz L'amour c'est comme l'enfer Maman n'a comme un gangue l'amour Opposé à Bazoum Oluke na maye Claude Olubwa Ndote kena e Dadi mafungu fungule Ezo zongate Oluke la nga chacha dile teta Patrick Makoda Nenete Soki Soki ayeta Shida Ibula Ako kutanga na kampa Kol mutu Edite dama Sina halito Edith Edanga, les Bruxellois célèbres. Oboto langa numéro à l'oketo. Oboto langa tranquille sanamai. Mbimba Lix, ya Ani Mbimba. Oboto langa Messi Ramat. Ope Kikela, Kikelosa. Memo Sempasi. Alpha Mokua. Fabrice Mawete. Madame Mbota. Thierry Mokunae. Jisse Songo. Inge Lovelela Bichu Kifaya Ben Muyamba Jose Masinda Moisa Vita Zitina Lipanga Maevi Ma Peple Mela Tosha Plisse Papi Seben Ole Mutu Vetana Zeta Bilingi Susina Mata Eko Tambamu DJ Ken Nalwanda Ya Jean-Claude Songolai Cecil Bagyo Zambe ya ba mama Eza masi manwana Edi kidanga li buselwa Odete chibambe Na mati nzobe Sita safai Linda kinzo na ulila perle ha Mabese masinga Elamba ne elamba Bobonele la nae Soki bokutani na idu Tuta kuyibisa ye Abagisata mwani lobao Fabrice Memba Alta Moda Yo moto la kisa mai fansonia kulinga u Ube celebra olobi o chikangai Opa kisipo o deside o natambati Alfa Bukoli Eritimi ni mufata fofana fiesta mawele Turise buto na jo Chanta vit kiango te Papa na jonda vi Astrid de Chanel Abel Mungye Fanta Fofana Mohamed Mwamba Aninga Soumalobe Les Gabonais les plus dangereux Ben Willy La puissance mondiale Jean-Jean Colomba Koula Ben Charlie Bouchan